Moïse et Darwin. L'homme de la jeunesse comparé à l'homme singe, ou l'enseignement religieux opposé à l'enseignement athée, par le docteur Constantin James. Édition Blood et Barral 1882. Des machines industrielles, et de la machine humaine. Buchner, un rapprochement entre la machine humaine et les machines industrielles, leurs fonctions, leurs avaries, leur usure, antagonisme des lois physiques et des lois vitales, elles s'équilibrent pendant la vie, prédominance des lois physiques par la mort, le corps devient cadavre puis poussière. Ces distinctions de lois physiques et de lois vitales, d'actes physiques et d'actes vitaux, toute logique qu'elles paraissent, ne sont point, nous le savons déjà, admises par l'école matérialiste. Pour elle, ces deux ordres de lois et d'actes n'en font qu'un, et elle ne veut voir dans l'homme vivant qu'une simple machine analogue à celle qu'emploie l'industrie. C'est ce qui résulte pleinement de cette déclaration de Buchner. Il est facile, dit-il, de se convaincre de la possibilité si souvent contestée que l'âme est le produit d'une composition spécifique de la matière. La locomotive, dans sa course mugissante, ne vous fait-elle pas l'effet d'un être doué de raison et de réflexion? Voilà cependant ce que Buchner a eu le courage d'écrire. Il m'en faut, et beaucoup, pour y répondre. Mais enfin, c'est une nécessité, je pourrais dire une corvée de ma tâche. Oui, sans doute, il existe une certaine analogie entre la machine humaine et les machines industrielles, en ce qu'elles ont certains rouages et certains moteurs mécaniques d'un usage commun. Ainsi le cœur de l'homme représente bien réellement une double pompe aspirante et foulante, faisant mouvoir le sang à travers certains tuyaux. De même, chaque corps de pompe est muni bien réellement aussi de véritables soupapes destinées à favoriser la marche du liquide dans certaines directions et à prévenir son retrait dans d'autres. Que l'on appelle ces corps de pompe, ventricules, ces soupapes, valvules, ces tuyaux, veines ou artères, les noms ici importent peu, ces diverses pièces n'en constituent pas moins, par leur agrégat, un appareil d'ensemble et une résultante de fonction où la mécanique est en jeu. C'est à ce point de vue, mais à ce point de vue seulement, que la machine humaine offre, on ne saurait le nier, une certaine analogie avec les machines industrielles. Est-ce donc là une raison suffisante pour assimiler ces deux machines et ne les regarder l'une et l'autre que comme ne différant que du plus au moins? Non, certes, il y a, au contraire, tout un abîme qui les sépare. C'est qu'on doit considérer autre chose encore dans une machine que ses parties matérielles, on doit de plus et surtout considérer son mouvement, car, son mouvement, c'est sa vie. Ce mouvement, d'où lui vient-il? Abandonnée à elle-même, la machine industrielle reste et restera éternellement inerte, comme les matériaux bruts qui ont servi à la constituer. Elle a besoin, pour se mouvoir, d'au moins 5 auxiliaires. Il lui en faut un pour l'approvisionner d'eau, un autre pour l'approvisionner de charbon, un troisième pour allumer et entretenir son foyer, puisque c'est la vapeur qui constitue sa puissance motrice. Un quatrième est non moins indispensable pour la diriger à l'aide d'un régulateur rappelant assez la barre d'un gouvernail. Enfin, comment se passer d'un cinquième pour graisser les roues, puisque sans cela elle ne glisserait pas ou même prendrait feu par le frottement? Voilà donc bien les 5 auxiliaires dont je parlais. Combien, maintenant, en faut-il pour mouvoir la machine humaine? Pas un. Elle n'a besoin, en effet, ni d'eau, ni de combustible, ni de vapeur, puisqu'elle puise sa force motrice dans la contractilité musculaire, ce sont donc déjà trois aides de supprimer. Elle n'a pas besoin davantage d'un mécanicien, puisqu'elle dirige elle-même ses propres mouvements, d'où suppression d'un quatrième aide. Enfin, de quel secours lui serait un cinquième pour graisser ses rouages, ceux-ci étant lubrifiés sans cesse par une huile onctueuse, la synovie? Elle pourrait donc, elle aussi, puisqu'elle a, de plus, le privilège d'être douée de la voix, s'écrier avec Médée, que vous reste-t-il? Moi, moi, dis-je, et c'est assez. Or, ici, le moi se nomme vitalité, mais ce n'est pas tout, que la machine industrielle vienne à subir quelque avarie dans ses tubes ou ses réservoirs, qu'une fuite, comme on dit, s'y déclare, il faudra immédiatement mander le plombier pour y faire une soudure. Rien de cela n'est nécessaire pour la machine humaine. Elle pourra de même, par le fait de quelque accident, éprouver des avaries dans ses tuyaux artériels ou veineux, et une fuite ou perte de sang en sera également la conséquence. Mais, à moins de blessures par trop graves, il n'y aura besoin de personne pour en arrêter l'écoulement, ce liquide ayant en lui-même un principe coagulable, la fibrine, qui se chargera de la soudure, qu'on nomme cicatrice. Enfin, l'une et l'autre machine finit par s'user et par être remplacée par d'autres, seulement, tandis que tout disparaît dans la machine industrielle, tout, jusqu'au souvenir, la machine humaine, au contraire, se survit à elle-même, non plus uniquement par les souvenirs, mais par ce qu'on appelle la famille, Dieu ayant donné à l'homme le pouvoir de perpétuer sa race. Privilège exclusif des êtres vivants, car je ne sache pas que jamais, même dans un rapport à une société d'actionnaires, il ait encore été question de la paternité des locomotives. Laissons donc de côté ces rapprochements étranges et burlesques entre l'œuvre sortie des mains de l'homme et l'œuvre sortie des mains du Créateur. Comme argument sérieux, il m'est impossible d'en comprendre le sens, comme jeu d'esprit, d'en saisir le sel. Les lois vitales procèdent si peu des lois physiques que, lors même que les forces qu'elles représentent toutes les deux se trouvent réunies chez le même individu pour une action commune, elles restent dans une sorte d'antagonisme permanent. Cet antagonisme, tant qu'il se trouve heureusement pondéré, constitue l'état physiologique, mais, l'équilibre vient-il à se rompre par la disparition de l'une des deux forces? L'autre devient tellement prédominante que c'en est fait de l'individu lui-même. Prenons l'homme pour exemple, tant qu'il vit, son corps, par l'harmonieux concours des forces physiques et des forces vitales, constitue cet admirable ensemble qu'on nomme l'organisme. Mais, que les forces vitales viennent à disparaître, en d'autres termes, que l'individu meurt, tout disparaît en lui, se dissocie, se désagrège, l'homme cesse d'être homme, il devient cadavre. Est-ce tout? Non. Il faut que la mesure soit comble. Ce cadavre lui-même va se résoudre en une sorte de putrilage, qui ne sera plus bientôt qu'une vile poussière, in pulverem revertetur. Et vous voulez que les lois physiques, ces mêmes lois qui ont réduit l'individu à l'état que vous voyez, aient été aptes originairement à le procréer de toutes pièces. Pareille supposition est une insulte au bon sens. Markendanarchive.org, 2022, d'après Gallica BNF.fr, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.